fois de se déplaire, détestant même leurs congénères. Ce fameux livre de la maintenance de confirmer à l'évidence l'approche de leur fatidique. Qu'un départ triste ou romantique. J'aimerais qu'une dernière pensée me permette encore de rêver. Répandre dans l'atmosphère. Faire toutes vos lumières se retirer dans la nature, se changer en coin de verdure. S'installer confortablement en attendant la fin des temps lorsque le cosmos vieillira. Le soleil un jour finira par se retrouver au cimetière des étoiles mortes de l'univers. Et notre système planétaire trop plein de ses atomes de fer ira rejoindre ses naturels. Le rayonnement résiduel. J'aimerais qu'une petite pensée se permette encore de rêver. Peut-être choisirons-nous encore de passer quelque temps ensemble.